Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, je n'ai pas encore reçu le titre pour la semaine prochaine pour le séminaire. Ce sera sur le piégeage de miroirs à l'intérieur de la cavité d'un laser. C'est un type d'expérience qui donne des informations sur la possibilité de piéger des miroirs par laser pour faire une flottille dans l'espace. Bien, je vais continuer à parler de ce qui est de mieux voir les étoiles, leurs planètes, les galaxies, l'univers lointain. Vous avez 100 milliards d'étoiles dans cette belle galaxie, dont certaines en formation dans les zones roses ici, qui sont des zones d'hydrogène rendues lumineux par des étoiles jeunes, bleues, brillantes, riches en ultraviolet, qui excitent l'émission spectrale de l'hydrogène, et c'est là que se forment des étoiles et que se forment aussi des planètes aux dépens des nuages de gaz et de poussière. Je vais continuer à parler aujourd'hui de l'idée d'essayer de faire un hypertélescope dans l'espace avec des petits miroirs piégés par laser. Et nous aurons un séminaire par Stéphane Jacquemous sur la végétation comme signe de vie extraterrestre, espoir et obstacle. En gros, la question que beaucoup de gens commencent à se poser maintenant, c'est sera-t-il possible de voir la végétation sur de lointaines exoplanètes, ou de rechercher du moins la végétation ? Bon, et je vais particulièrement parler d'hypertélescopes dans l'espace. D'abord, quelques mots sur la dimension de ces hypertélescopes. Alors, évidemment, plus ils sont grands, plus ils donnent de détails fins, décelables dans l'image d'une étoile ou d'une planète ou d'autre chose. Jusqu'à 1 km de diamètre, ça donne une excellente façon de préciser notre connaissance des étoiles. On peut commencer à résoudre les étoiles proches, c'est-à-dire avoir les détails de leur structure, comprendre des spectres pour mieux comprendre leur fonctionnement. C'est donc essentiellement de la physique stellaire, avec des spectro-images. Spectro-images, ça veut dire des images où on possède en plus l'information sur le spectre de chaque pixel. Information qui donne une information très très riche. Vous savez que par certains côtés, on comprend mieux l'atmosphère externe de certaines étoiles étudiées par spectroscopie qu'on ne connaît le fond des océans sur Terre, qui sont sombres et peu accessibles, et où on ne peut pas faire de spectroscopie. Alors que les gaz des atmosphères stellaires donnent des spectres avec des raies spectrales très fines qui caractérisent chaque élément, dont la largeur et la position donnent des informations sur le mouvement du gaz et sur sa composition et sur sa température et sur la gravité locale, etc. Donc c'est une information extrêmement riche qui jusqu'à présent était exploitée de façon globale, c'est-à-dire on voyait un point brillant dans un gros télescope, c'était l'image d'une étoile, on ne voyait pas le détail de l'étoile, mais on prenait des spectres, on avait donc un spectre global, moyen de tout, donc on ne voyait pas les mouvements détaillés et la composition détaillée. Mais avec ces images résolues, et ça commence à peine actuellement, mais ça marchera beaucoup mieux dans quelques années quand les ouvertures seront plus nombreuses, on pourra avoir des spectres de chaque point d'une étoile, comme on le fait actuellement sur le Soleil. Le Soleil, il y a seule étoile. Le Soleil, c'est notre étoile domestique, si on peut dire, suffisamment proche pour que là, on arrive à faire des images résolues. On voit les détails du Soleil, on voit les taches, on voit les granules, on voit les flammes extraordinaires qui en sortent et leur mouvement. Et on peut avoir des spectres de chaque étoile et on peut mesurer le champ magnétique localement grâce à ces spectres, comme l'a expliqué dans un séminaire la semaine dernière. Et c'est le genre de choses qu'on va bientôt pouvoir faire aussi sur des étoiles. Bon, et puis alors, bien sûr, sur ces étoiles ou autour de ces étoiles, il peut y avoir des exoplanètes. qui, avec une base de 1 km, avec des dimensions d'ouverture de 1 km, ne seront pas résolues dans un premier temps. On verra juste un petit point près de l'étoile, et on sera terriblement ébloui par l'étoile qui sera 1 milliard ou 10 milliards de fois plus intense qu'une planète du genre Terre. Il faudra prendre de très grandes précautions pour arriver à voir la planète. Et puis, bien sûr, il y a quantité d'autres objets, les supernovae, qui sont des explosions gigantesques d'étoiles, les sursauts gamma, qui sont peut-être de telles explosions survenant dans des galaxies lointaines, les lentilles gravitationnelles dont j'ai eu l'occasion de parler. Bon, et puis alors l'étape suivante, ce sera peut-être de faire des hypertélescopes de 100 km. Bon, alors avec 100 km, vous commencez à bien résoudre des exoplanètes d'étoiles proches, c'est-à-dire à voir leurs détails. Bon, et alors là, évidemment, à ce stade-là, on pourra très efficacement rechercher des signes de vie. C'est ce dont va parler Stéphane Jacquemou. Et on peut même, en principe, sur le papier, on peut même imaginer des hypertélescopes qui feront 100 000 km, voire 1 million de kilomètres. Et en principe, on sait faire. Si on avait l'argent, on saurait pratiquement déjà les construire. Et ça permettrait d'avoir une résolution extrêmement élevée pour regarder des objets très lumineux. Il faut des objets très lumineux parce que si ce n'est pas un objet très lumineux, c'est-à-dire à très forte luminosité par unité de surface, vous n'aurez pas assez de lumière venant de cette unité de surface dans votre instrument. Alors, comme objet très petit et très lumineux, il y a les pulsars et étoiles à neutrons, qui sont des étoiles relativement brillantes. Le pulsar du Crabbe fait une magnitude 18, mais extrêmement petite, 20 km de diamètre, selon la théorie. On n'a jamais pu le vérifier. Mais en principe, avec ce genre de base, on pourrait commencer à résoudre, à voir les détails de ces pulsars, qui sont des espèces de gyrophares, vous savez, qui tournent 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge, et qu'on croit être les résidus d'anciennes supernovae, une supernova qui a explosé en 1054 dans le cas du pulsar du Crabbe, et dont on ne sait pas grand-chose sur le plan observationnel. Tout ce qu'on sait, c'est le chronométrage. On a pu chronométrer l'éclat périodique de ces pulsars avec une précision extraordinaire, ce qui a permis de voir des tas de choses intéressantes, en particulier que l'un de ces pulsars avait deux planètes, apparemment, quelque chose qui ressemble à des planètes, qui induisait une variation périodique du chronométrage. Bon, alors, pour ce qui est de la vie extrasolaire, j'avais déjà montré cette fameuse photo par satellite de la Terre où on voit une floraison de plancton au printemps, je crois, là où l'eau est riche en sels minéraux dissous, parce que c'est de l'eau froide qui remonte des profondeurs. Au printemps, ces sels dissous servent d'engrais, en quelque sorte, et ça permet l'éclosion d'une vie de micro-algues, tout à fait spectaculaire vu de l'espace. Je ne sais plus à quelle époque exactement a été prise cette photo. Il serait intéressant de voir si ça a été pris avant que l'océan se réchauffe. Parce que dans beaucoup de cas, la photosynthèse est plus sensible à la présence de soleil qu'à la présence qu'à la température. Vous avez des glaciers où il fait très froid et vous avez des algues vertes qui prolifèrent dessus simplement parce qu'il y a de lumière, bien que la température soit basse. Et ça pourrait être un signal intéressant à rechercher sur d'autres planètes lointaines, pour distinguer si on voit des couleurs, pour être sûr que ce ne soient pas des couleurs géologiques, minérales, par exemple des ardoises vertes, ou même des couleurs minérales qui varient selon l'humidité, ou certaines argiles, selon qu'elles sont humides ou sèches, ça change un peu de couleur. Mais si on observe systématiquement au printemps des couleurs qui apparaissent avant le réchauffement du printemps, ça pourrait être un critère de vie, de couleur vivante. Bien, j'avais expliqué pourquoi il vaut mieux avoir un grand nombre de petites ouvertures qu'un petit nombre de grandes ouvertures, avec quelques grandes ouvertures, par exemple deux ou trois ouvertures faisant l'interférométrie, on obtient des interférences qui ressemblent à ça avec deux, à ça avec trois, et ça ne donne pas une image directe, mais si par exemple on fait tourner l'ouverture ou si on varie sa disposition, à ce moment-là, ça enrichit l'image, ça donne une fonction d'étalement qui ressemble à ceci, avec un pic central ici qui dépasse un facteur 2 à peu près, et là un pic central qui dépasse un facteur 3 le fond. Et ça permet de faire des images qui sont assez pauvres en dynamique, qui ne permettent pas de regarder beaucoup d'étoiles à la fois, mais enfin ça marche quand même, ce qu'on appelle la synthèse d'ouverture. Alors en radio, ça marche très bien, parce qu'en radio, on détecte la phase. Mais en optique, on ne détecte pas la phase, on fait des pauses où on détecte l'intensité sur des caméras, et ensuite il s'agit de combiner des images prises en succession avec différentes positions des ouvertures pour reconstruire à partir de ça, par synthèse de Fourier, une vraie image. Mais du fait qu'on travaille sur des intensités, c'est beaucoup moins favorable que ce que font les radioastronomes en travaillant sur les amplitudes. C'est la raison fondamentale pour laquelle il est beaucoup plus intéressant d'avoir un grand nombre d'ouvertures, même plus petites, par exemple la surface totale égale, qu'un petit nombre de grandes ouvertures. Alors jusqu'ici, en interférométrie optique, il y a eu seulement un petit nombre de grandes ouvertures. Et maintenant, l'enjeu est d'arriver à faire fonctionner des systèmes comme ceci avec des centaines de petites ouvertures. Et a priori, à coup donné, plus elles sont petites, et plus elles seront nombreuses, et à ce moment-là, mieux c'est. Il ne faut quand même pas qu'elles soient trop petites, mais on y gagne à les faire nombreuses. Bon, j'ai expliqué aussi pourquoi il fallait densifier la pupille, c'est-à-dire que vous avez toutes ces petites ouvertures, vu de l'étoile par exemple ça peut ressembler à ça, là c'est un quadrillage régulier mais ça peut aussi être parfaitement désordonné, ce qui est mieux en général sauf dans certains cas, mais vu de la caméra c'est comme ça parce qu'on a élargi chacune des ouvertures avec un gadget qu'on appelle un densifier d'ouverture et qui joue un rôle crucial si on veut vraiment exploiter les ouvertures nombreuses, surtout si elles sont très diluées. Bon, le gadget en question, ça symbolise une ouverture géante en plusieurs morceaux. Le gadget en question, c'est un petit système optique qui se met après le foyer, qui reprend les faisceaux et qui élargit chaque faisceau avec une paire de lentilles, de sorte que la caméra voit les faisceaux plus larges. Bon. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que ça intensifie l'image. Par exemple, j'ai déjà dit la dernière fois, par exemple, si vous avez une ouverture diluée de 100 km dans l'espace, dont je vais parler davantage tout à l'heure, vous pourriez avoir 40 000 miroirs de 30 mm, ce qui donnerait une surface collectrice totale équivalente à celle d'une ouverture de 6 mètres. Les miroirs seraient espacés de 500 mètres. Et la densification atteindrait un facteur 10 000, et l'intensification, qui est égale au carré de la densification, ce serait 270 millions. Autrement dit, vous gagnez, en mettant ce petit gadget, votre image devient 270 millions de fois plus intense, ce qui évidemment intéresse les astronomes qui sont toujours à court de lumière. Et ce gadget, c'est ça qui permettra un jour de faire des ouvertures extrêmement diluées, par exemple, pour regarder les étoiles à neutrons. Alors, l'étoile à neutrons, vous pourriez avoir des miroirs de 10 mètres, par exemple, espacés de 100 000 km. Là, on est obligé de les prendre assez grands à cause de la diffraction pour ne pas perdre de lumière vers la caméra. Espacés de 100 000 km. Et le gain en intensité, si on fait ça, ça va être 10 puissance 14. Et on ne pourrait pas s'en passer. Bon, j'avais expliqué aussi en quoi ces ouvertures petites et nombreuses augmentent la science. Bon, je ne reviens pas dessus. Enfin, on gagne plusieurs ordres de grandeur si on, et si on densifie par exemple d'un facteur 10. Je veux dire, si on diminue d'un facteur 10 la dimension des petites ouvertures. Alors, dans l'espace et après le sol, on envisage, on a proposé depuis plusieurs décennies de faire des flottilles interférométriques. Ça, c'est la première qui avait été proposée, qu'on avait proposée en 82. Et puis ensuite, on avait proposé une version lunaire. Et puis, les collègues Alain Léger, Jean-Marie Mariotti avaient proposé une version Darwin destinée à détecter des exoplanètes dans l'infrarouge, qui était très étudiée par l'Agence spatiale européenne. Et la NASA a emboîté le pas et a étudié une version à elle qui s'appelait TPFI, Terrestrial Planet Finder Interferometer. Nous avions proposé à la NASA une version hypertélescope de ce TPFI. Bon, et puis nous avions proposé, pour un avenir lointain, une version de 100 km, Exo-Earth Imager. Les collègues qui font de l'infrarouge lointain ont proposé un interféromètre, deux télescopes refroidis à l'hélium liquide, 1 km. Et récemment, nous avons reproposé à l'Agence spatiale européenne une version d'hypertélescope dérivée de celle-ci. Et les agences spatiales se sont plongées là-dedans, d'autant qu'elles ont d'autres applications pour des flottilles de satellites. Mais ces flottilles-là, il faut qu'elles soient pilotées de façon très très précise, idéalement à un dixième de micron, bien qu'on peut relâcher la tolérance à condition de rajouter des petits actuateurs pour jouer sur les phases des faisceaux, à la façon des systèmes d'optique adaptatifs qui sont utilisés sur les télescopes au sol. Enfin, néanmoins, le pilotage de ces systèmes est très complexe. Il faut, si on fait ça avec des fusées, il faut au moins 5 ou 6 fusées par satellite pour assurer à la fois le positionnement et l'orientation. Il y a d'autres moyens, avec des moteurs ioniques, par exemple, etc. Enfin, ceci dit, c'est tellement complexe que les agences spatiales se sont dégonflées et repoussent les projets. Et donc, le grand problème, c'est comment simplifier ces structures. Bon, alors voilà ce que nous avions proposé à l'Agence spatiale européenne. J'en ai parlé la dernière fois, je ne reviens pas. Ça, c'est des petits satellites gros comme ça, avec un miroir ici, une petite voile solaire ici. Mais ça reste difficile à piloter et complexe. Et donc, j'en reviens à ce que j'avais déjà commencé à expliquer la dernière fois, c'est-à-dire l'idée de piéger un grand nombre de petits miroirs avec deux faisceaux de laser, ici, qui forment une onde stationnaire et laquelle a la propriété de se comporter comme une espèce de piège pour un miroir que vous mettez dedans. Vous savez, c'est comme si vous prenez une tôle ondulée, vous la posez sur une table et vous mettez dessus une balle de ping-pong. Bon, ben, la balle de ping-pong, elle se piège dans les rigoles de la tôle ondulée. Et c'est un peu la même chose. Alors, vu de loin, ça pourrait ressembler à ça. Vous auriez des milliers de ces petits miroirs qui reçoivent les faisceaux rouges, qui sont les faisceaux de laser, venant tous d'un même laser, et le faisceau jaune, c'est la lumière de l'étoile qui va être réfléchie vers une caméra située très loin là-haut. Bon, alors la distance entre les petits miroirs, ça pourrait être par exemple 100 mètres, quelque chose comme ça, donc très grande par rapport à leur diamètre. Évidemment, plus ils sont nombreux, plus ils seront serrés, et mieux c'est. Mais on peut progressivement en rajouter si nécessaire. Bon, alors j'avais expliqué que ces faisceaux de laser, en voilà un qui arrive là, ils arrivent symétriquement par rapport à ce miroir. Ce miroir, c'est un miroir semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'il réfléchit la moitié de la lumière et il laisse passer l'autre moitié. Vous avez donc ici, de ce côté-là, un faisceau réfléchi qui sort ici, puis un faisceau transmis qui sort ici. Ces deux faisceaux interfèrent parce que les ondes laser sont cohérentes, elles viennent d'un même laser. Et selon la phase, vous pouvez avoir une destruction des interférences, une destruction de la lumière ici, ou au contraire une augmentation de la lumière, une construction. Et si vous avez une construction ici, vous avez une destruction de ce côté-là parce que la séparatrice n'est pas absorbante et qu'il faut que l'énergie se conserve. De sorte que, selon la position du miroir, toute la lumière peut sortir de ce côté-là ou de ce côté-là. Et si vous déplacez le miroir de lambda sur 2, c'est-à-dire un quart de micron, vous passez d'un cas à l'autre. Et ça veut dire que la pression de radiation exercée sur la lame, bon, pour les faisceaux incidents, c'est la même des deux côtés, mais pour les faisceaux émergents, s'il y a plus de lumière qui sort par là, vous allez avoir un recul. Une force de recul appliquée à la lame, et la lame va tendre à reculer par là. Et puis elle va arriver à un quart de micron plus loin, à une position où ça va être l'inverse. Toute la lumière va sortir par là, donc elle va revenir en arrière, elle va reculer dans l'autre sens, et elle va osciller dans le piège, exactement comme la balle de ping-pong sur la tôle ondulée oscille si vous la secouez. Et s'il n'y a aucune friction, elle ne s'arrête jamais d'osciller. Alors là aussi, c'est un problème. On ne veut pas que ça oscille, il faut trouver un moyen d'amortir ces oscillations. Alors, je vais en parler un peu tout à l'heure. Bon, j'ai dit aussi que en lumière monochromatique, on a une série d'ondes stationnaires, une espèce de stratification de lumière, une espèce de millefeuille de lumière avec une période d'un quart de micron. Et donc, le miroir peut être piégé sur n'importe laquelle de ces feuilles. Exactement comme la balle de ping-pong peut être piégée dans n'importe laquelle des rigoles de la tôle ondulée. Bon, alors pour privilégier une des feuilles, qui est la frange centrale, l'interférence centrale parce que c'est celle qui correspond à une même longueur de propagation des faisceaux laser des deux côtés, les deux faisceaux laser incidents. Il y a un laser quelque part par ici, il y a une séparatrice qui sépare les deux faisceaux. Et entre la séparatrice et ce miroir de ce côté-là, et de l'autre côté, il existe une position du miroir telle que la longueur des deux faisceaux soit exactement égale à une fraction de micron près. Et cette position, ce qu'on appelle la position de la frange centrale. Et on veut que ce soit ça qui définisse la position du piège. Alors pour ça, on est obligé d'utiliser plusieurs longueurs d'onde. Alors par exemple, vous pouvez avoir un laser que vous pouvez régler en tournant un bouton pour changer sa couleur. Ça existe dans le commerce. Alors, vous commencez par du rouge. La lame se piège dans la frange d'interférence rouge la plus proche de l'endroit où elle se trouve. Une fois qu'elle est bien piégée, vous tournez délicatement le bouton pour que la lumière devienne progressivement de plus en plus orange, jaune et puis bleue. Alors, ça produit un rétrécissement des franges. Vous voyez ici que les franges rouges sont presque deux fois plus larges, plus étalées que les franges bleues. Ça, c'est parce que l'espacement des franges est à peu près lambda sur 2. C'est exactement lambda sur 2 si l'angle des faisceaux est 180 degrés. Lorsque vous tournez le bouton vers le bleu, le miroir est attiré vers la frange centrale, parce que tout se rétrécit par rapport à la frange centrale. La frange centrale est ici. Si vous aviez un laser blanc, ça existe aussi chez le marchand, vous auriez une frange centrale blanche ici, puis des couleurs délavées sur les côtés, mais une frange centrale blanche plus intense, deux fois plus intense en moyenne à peu près. Et alors, en recommençant plusieurs fois à dériver du rouge au bleu, comme ça, vous pompez progressivement, vous attirez progressivement le miroir vers la frange centrale. En principe, du moins sur le papier, parce qu'apparemment personne n'a encore essayé ce système, mais on espère essayer bientôt en laboratoire. Bon, alors quel type de miroir ? Alors il y a pas mal de choix. On peut prendre un morceau de verre, genre lamelle de microscope mince et léger, pour que ce soit aussi léger que possible pour bien répondre à la pression de radiation. Vous pouvez aussi prendre une très fine membrane de quelques microns. Tendu sur un cadre poly optiquement pour être parfaitement plat. Alors ça aussi, ça existe chez le marchand. Et il existe aussi des membranes en diamant, de même dimension, mais qui sont beaucoup moins chères, heureusement, qu'un vrai gros diamant de cette dimension-là, qui sont faites en déposant du carbone sur un substrat, et ensuite en retirant le substrat. J'avais montré ces courbes calculées par Pierre Rio, ici présent, montrant qu'une simple membrane comme ça, sans aucun traitement supplémentaire, peut réfléchir à peu près 50% de la lumière. Là, vous avez la réflexion. Non, là, vous avez la réflexion, là, vous avez la transmission, et vous avez certaines longueurs d'onde où la lumière est à peu près réfléchie à 50%. Bon, j'avais parlé du problème du centrage latéral aussi. Voilà, on coupe un miroir avec une membrane, par exemple, et le cadre qui tient la membrane, ici. Si ce cadre, on le fait en matériau transparent, en verre, par exemple, et qu'en coupe, il a une forme un peu prismatique, comme ça, il dévie les rayons du laser, et ça génère une force de pression de radiation latérale qui pousse comme ça. Et cette force fait que s'il y a plus de lumière d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire si le faisceau est décentré, si la lame est décentrée sur le faisceau laser, eh bien, ça crée une force de rappel, exactement comme si vous mettez une balle de ping-pong sur un jet d'eau, elle tend à se stabiliser sur le jet d'eau, parce que si elle part un peu sur le côté, ça la ramène. Donc voilà la force, voilà la lumière réfractée, voilà la force qui s'exerce dessus et qui ramène de choses. Alors il y a aussi un effet de redressement angulaire, j'en ai déjà parlé. Alors le problème d'amortir l'oscillation. Bon, on peut penser à un système micromécanique, c'est-à-dire fixé sur le miroir, une variante microscopique des cerises qui sont sur une branche de cerisier. Alors, une branche de cerisier à la saison des cerises, si vous la secouez, vous apercevez qu'elle s'amortit très vite. Alors que si vous retirez les cerises, elle s'amortit beaucoup moins vite. C'est parce que les queues des cerises sont flexibles, mais pas élastiques. Elles absorbent l'énergie lorsqu'elles oscillent. Et donc l'énergie est transformée en chaleur et ça évacue l'énergie mécanique d'oscillation et ça amortit. Sur une voiture et des amortisseurs, on pourrait peut-être modifier le système en attachant une masse au bout. Mais évidemment, ça alourdirait. Bon, donc ça, c'est une possibilité, mais il n'est pas certain que ça fasse vraiment ce qu'on veut parce que la tige va chauffer. Elle va émettre des photons infrarouges qui vont eux-mêmes être une source de perturbation pour la lame. Alors, il y a d'autres voies que nous explorons actuellement avec les collègues physiciens qui seraient d'utiliser un système d'amortisseur optique. Et il en sera question la semaine prochaine au séminaire. Alors, amortisseur optique, on peut... Par exemple, envisager que chaque miroir soit en même temps un résonateur optique. Alors, par exemple, la lumière du laser ici, si vous arrivez à la faire pénétrer à l'intérieur du miroir, comme ça, latéralement, et qu'elle se réfléchit au bout sur un réflecteur, ici aussi, ça fait une cavité laser, un résonateur optique, qui est très très sensible aux variations de longueur d'onde. Si la longueur d'onde change un tout petit peu, la réflectivité, par exemple, peut changer beaucoup. Et ça peut créer un amortissement des oscillations du système. Bon, pour faire ce couplage, on peut utiliser un réseau de diffraction. Une autre possibilité qui a été expérimentée consiste à utiliser comme matériau pour la lame ce qu'on appelle un cristal photonique. Un cristal photonique, c'est un empilement de nanobilles bien réguliers, comme des œufs dans les cartons. Autrefois, chez les épiciers, il y avait des cartons à œufs. Vous aviez plusieurs épaisseurs, les œufs qui étaient bien rangés dans les cartons bien régulièrement. Bon, alors actuellement, c'est très à la mode, ces structures-là, à l'échelle microscopique ou submicroscopique. On appelle ça les christophotoniques, et ça a des propriétés mirobolantes vis-à-vis de la lumière, ça diffracte la lumière, ça réfléchit comme un miroir, ça fait toutes sortes de choses amusantes. Et ça existe un peu dans la nature, par exemple les opales naturelles sont des christophotoniques naturelles, et certaines ont des très belles couleurs, qui sont dues à des effets d'interférence de la lumière. Alors on fabrique maintenant des opales artificielles qui sont très belles aussi. Un cristal photonique peut résonner de façon sélective à la longueur d'onde du laser, et si on change légèrement la longueur d'onde du laser, il peut y avoir des effets de variation de la pression de radiation, variation de la transmission, qui produisent un effet d'abortissement. Mais ça a été observé et ça a permis de refroidir des morceaux de matériaux comme ça. Bon, alors j'avais expliqué comment organiser un hypertélescope géant avec ce genre de structure. Il y a un gros laser, une lame séparatrice qui divise en deux la lumière, une partie qui arrive sur ce miroir convexe ici et qui fait une onde divergente pour éclairer toute la nappe que l'on veut fabriquer. De l'autre côté, vous avez un autre miroir identique et une autre onde divergente, et vous avez donc l'interférence des deux ondes, et on peut s'arranger en mettant une petite trame de micro-lentilles quelque part par ici pour que chacun des faisceaux soit éclaté en éventail, qui se forme une espèce d'éventail de rayons minces, chacun étant pas plus gros que, pas plus large que le petit miroir qu'on veut piéger, de manière à ne pas gaspiller la lumière du laser entre les miroirs éloignés les uns des autres, et tout concentré sur chacun des miroirs. Donc on se retrouve dans la situation théorique. Et bien sûr, à ce moment-là, on peut s'arranger pour que ce miroir géant ait une forme parabolique, par exemple, auquel cas une étoile située très loin sur l'axe produira une image sur une caméra qui sera ici. Alors, le problème maintenant va être de savoir quelles sont les difficultés qui peuvent apparaître. Bon, par exemple, j'avais expliqué qu'il faudrait au moins deux gros satellites, un qui porte le laser, la séparatrice et peut-être une ligne à retard. Mais la ligne à retard n'est pas essentielle. On peut, puisqu'on ne va pas utiliser de lumière blanche, mais une longueur d'onde monochromatique qui varie du rouge au bleu, on peut s'arranger en même temps qu'on varie cette longueur d'onde. On peut s'arranger pour jouer sur la phase, pour qu'on ait toujours au même endroit, ici, les deux faisceaux en phase, là où on veut obtenir l'équivalent d'une frange blanche. En quelque sorte, on peut faire une ligne à retard synthétique sans avoir de vraie ligne à retard. Vous savez, une vraie ligne à retard, c'est une chose très, très encombrante et très coûteuse en optique. En optique, c'est essentiellement un miroir sur un rail, sur un chariot à roulettes sur un rail. Par exemple, au Chili, au grand interféromètre européen, le rail fait je ne sais plus combien, 100 mètres ou 200 mètres de long, ça coûtait très cher. Il y a 6 rails comme ça pour mettre 6 miroirs. Les miroirs sont pilotés sur leur rail avec une précision de quelques microns. C'est des œuvres d'art, mais ça coûte cher et ça empêche de mettre de très nombreux miroirs. Et dans l'espace, ce sera aussi difficile. Donc si on peut faire une ligne à retard synthétique en jouant sur les phases des différentes longueurs d'onde qu'on va utiliser, ce sera mieux. Alors, ces idées de piégeage de membranes ou de miroirs avec des faisceaux laser dans l'espace, bon, j'avais proposé ça dans les années 78, sauf erreur. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Enfin, il y a quelques années, la NASA a donné un financement pour faire une étude de FASA, qui a été faite donc, en collaboration avec des labos américains, suisses et avec nous. Marc Guyon a fait sa thèse au laboratoire et il a réussi à piéger des nanogouttes d'huile de tournesol. Avec un pulvérisateur, il soufflait des nanogouttes, il pulvérisait de l'huile dans cette petite micro-aquarium là, avec deux faisceaux laser qui éclairaient de chaque côté, qui faisaient des ondes stationnaires, et il a pu observer que, conformément à la théorie, les nanogouttes se piégeaient sur les ondes stationnaires. Bon, alors, il y avait une difficulté, c'était pour comprendre ce qui se passait. Pour calculer le comportement de ces gouttes, il fallait arriver à calculer les propriétés optiques des gouttes et pour ça utiliser les équations de Maxwell. Et on tombe tout de suite dans des logiciels complexes et lourds. Et cette modélisation est assez difficile. Bon, d'autant plus que si on peut en principe imaginer une nappe. L'idée était de faire une nappe de brouillard. Imaginez un brouillard de nanogouttes qui sont en fait une nappe avec une seule épaisseur de gouttes. Et c'est cette nappe qui servirait de miroir. Bon, mais les gouttes qu'il avait vaporisées, là, elles ne voulaient pas se mettre en nappe, elles se mettaient en chaîne en travers, c'est-à-dire axialement, alors que nous, on voulait une nappe transverse. Bon, alors pourquoi ? Ça, c'était difficile à comprendre. Et d'autant que si vous faites une nappe de gouttes, elles s'influencent les unes les autres par leurs effets optiques. Et il y a une espèce de force d'attraction qui apparaît, les gouttes ont tendance à s'écarter uniformément d'une longueur d'onde, à former une espèce de grille, à se disposer sur une espèce de grille, avec un espacement d'une longueur d'onde, ce qui est pas mal en soi, mais ce n'est pas très facile à modéliser et à optimiser. Bon, et puis, comme entre-temps la théorie des hypertélescopes montrait que plutôt que d'avoir un miroir géant ou plusieurs miroirs géants, il vaut mieux avoir un grand nombre de petits miroirs espacés, et que cette idée de miroir piégé, à l'origine, j'y avais pensé pour faire des grands miroirs, pardon, des miroirs de 10 mètres ou 100 mètres dans l'espace, d'une seule pièce. Évidemment, l'idée était fascinante, mais tout compte fait, il vaut mieux faire un grand nombre de petits miroirs qu'un grand. D'où l'idée de piéger des petits miroirs solides, grands comme ça, très nombreux, mais très espacés, pour avoir beaucoup de résolution angulaire, une résolution bien meilleure que ce que donnerait un miroir de 100 mètres, par exemple, un miroir monolithique de 100 mètres. Alors c'est comme ça que nous en sommes arrivés à vouloir expérimenter non pas des gouttes d'huile mais des petits miroirs en laboratoire. Et j'avais montré ce premier essai là où nous avons un petit miroir, une petite séparatrice suspendue à un fil très fin, un fil de torsion, et éclairé par des faisceaux laser. Et ce nouvel essai que font les collègues de Sofia Antipolis, Umberto Bortoloso et Stefania Residori, où ils utilisent le principe des sismographes. Sismographe classique, vous avez une masse suspendue à un fil, enfin en fait c'est pas exactement suspendue à un fil, suspendue à une espèce de charnière qui est un peu l'équivalent, ce qu'on appelle une porte de jardin. C'est-à-dire l'équivalent d'une charnière dont l'axe ne serait pas tout à fait vertical, presque vertical, mais pas tout à fait. Si l'axe n'est pas tout à fait vertical, c'est que si vous avez une porte dont l'axe n'est pas tout à fait vertical, elle se balance, mais elle se balance plus lentement qu'un pendule qui aurait la même hauteur, parce qu'elle devient équivalent à une espèce de pendule de grande longueur, par exemple 1 km, si l'angle est très petit. Si l'angle par rapport à la verticale est très petit, ça peut être équivalent à un pendule de 1 km de long qui aurait une période très lente, et c'est ce qu'utilisent les sismologues dans leur sismographe pour avoir des fréquences de réponse correspondant à celles des tremblements de terre et avoir une très grande sensibilité. Donc là, c'est la même idée. Voilà la porte de jardin, voilà l'axe de rotation qui n'est pas tout à fait vertical, est presque vertical, mais pas tout à fait. L'angle est exagéré. La lame est fixée sur cette porte de jardin. Elle peut se balancer avec une période de plusieurs secondes et avec une très grande sensibilité. Si les charnières sont faites de façon extrêmement précise, sans friction, et là, vous avez les faisceaux de laser qui éclairent et qui, en principe, vont permettre de piéger le miroir dans les ondes stationnaires. Et l'ensemble est dans une cloche à vide, avec un vide de 10-6 mm de mercure à peu près, pour ne pas être gêné par l'impact des molécules d'air sur le miroir, lequel ferait bouger le miroir. Et l'ensemble est éclairé par un laser argon de une dizaine de pas de 100 watts, à vrai dire, c'est plutôt 10 watts. Bien, alors j'en étais arrivé aux essais envisagés dans la Station Spatiale Internationale, où se trouve, par heureux hasard, un laboratoire européen, lequel comporte des racks reliés au vide extérieur, prévu pour faire des expériences en tout genre. Donc on pourrait mettre dans l'un de ces racks un petit système pour tester ça en microgravité, dans des conditions plus proches de l'environnement spatial. On pourrait aussi imaginer fixer à l'extérieur, dans cette armoire-là, une manip exposée complètement aux conditions extérieures. Bien, alors j'en arrive au cas d'un système de 100 km hein, qui serait capable de former des images d'une planète Terre à 3 années-lumière ou une dizaine d'années-lumière. Non, une dizaine d'années-lumière. Et des images qui pourraient ressembler à ça, qui pourrait être obtenu en une heure ou quelques heures de pause, et avec une résolution suffisante pour voir directement les continents avec les taches vertes qui traduisent la végétation. Mais tant qu'on n'aura pas vu si ces taches vertes, si celles-ci ou latitude moyenne se flétrissent en automne et repoussent au printemps, on aura du mal à être sûr que ce soit la vie, même si les autres conditions... Même si la spectroscopie nous dit qu'il y a ce qu'il faut comme eau, comme ozone, comme CO2, etc., dessus pour entretenir la vie. Comment arriver à obtenir ce genre d'image? Alors là, ça a été simulé, ça c'est une vraie simulation qui a été faite en supposant qu'il y avait 150 miroirs de 3 mètres. Bon, mais si les miroirs sont plus nombreux et plus petits, on aura un meilleur contraste. Là, le contraste a été un petit peu amélioré en soustrayant un fond continu. Donc on a un peu triché dans ce cas de figure. Il y avait un voile venant de la convolution des pieds des figures de diffraction. Et ce voile est d'autant plus faible que les ouvertures sont plus nombreuses. Donc plus il y a d'ouvertures, meilleure sera l'image. Bien, donc il faudrait pour ça une flottille qui ait une dimension de l'ordre de 100 km. Et si on veut collecter suffisamment de lumière, parce qu'une Terre, ce n'est pas très brillant, ça ne fait que renvoyer la lumière de son étoile, et c'est 1 milliard ou 10 milliards de fois moins brillant que l'étoile. Et donc il faut suffisamment de surface collectrice aussi, et donc il faudrait 10 000 à 100 000 petits miroirs. Donc il faudra inventer un moyen industriel de les fabriquer en série, avec des dimensions de 10 à 3 cm, selon qu'on vise 10 000 ou 100 000. Bon, ce qui donnera au total une surface de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est à peu près la surface du télescope Keck. Le télescope Keck, qui est à Hawaï, au Mauna Kea, qui est formé de 36 miroirs de 1,50 m à peu près, mis en phase. Ce sera à peu près la surface équivalente. Bon, l'espacement de ces petits miroirs serait entre 1 km et 300 mètres, enfin, selon qu'on vise 10 000 ou 100 000. Bon, la masse totale, ça pourrait être 250 kg, ça pourrait tenir dans une valise, une grosse valise quand même. Mais enfin, disons, c'est beaucoup moins encombrant que le télescope Hubble ou des choses comme ça. Alors, par exemple, avec 100 000 miroirs de 3 cm, il serait espacé de 316 mètres. Le champ d'imagerie directe, c'est-à-dire la dimension maximum d'une planète que vous pouvez photographier en une seule image, serait un tiers de milliseconde d'arc. Ça paraît très peu, mais en fait, la Terre, elle serait plus petite que ça. Et donc, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Et en lumière jaune, vous auriez une résolution angulaire de 1 microseconde d'arc, qui battrait évidemment tous les records de ce qui a pu se faire jusqu'ici. Et le diamètre des miroirs émetteurs laser, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il faut qu'il soit assez grand pour qu'il puisse focaliser sur chaque petit miroir à peu près une tache lumineuse qui le couvre à peu près, pour pas qu'il y ait trop de perte de lumière. Bon, et c'est ça qui détermine le diamètre minimum des miroirs qui focalisent la lumière laser sur les petits miroirs. Et donc ce serait dans ce cas de figure 2,60 m. 2,60 m, bon, c'est à peu près la dimension du télescope Hubble, peut-être qu'on pourrait racheter d'occasion le télescope Hubble pour faire ça. Et ces miroirs émetteurs, en fait, ils pourraient être dilués eux-mêmes. Si on veut gagner en prix et en masse. Bon, la masse totale des miroirs, la masse des miroirs serait 2,3 grammes pour chaque miroir, ce qui ferait 136 kg. Alors, il y a un point à considérer aussi, c'est les impacts des micrométéorites. Vous savez que les météorites, c'est des petits cailloux, certains qui sont des gros cailloux. Vous savez que les plus petits sont les plus nombreux, jusqu'à 1 micron de diamètre, par exemple, et que ça a été mesuré, la statistique a été mesurée, par Grün notamment, ce qui permet de prévoir combien d'impacts vous aurez sur un miroir chaque année. Et c'est de l'ordre de 2,4, ce qui donnerait au miroir en question une piche nette, en supposant qu'il absorbe supposant que la particule ne traverse pas. Par exemple, si c'est une membrane, elle va être traversée par la particule, ça va juste faire un petit trou, ça ne va pas trop secouer. Mais si c'est plus épais qu'une membrane, ça va donner une piche nette qui va la faire dériver, le faire partir avec une vitesse de 0,014 microns par seconde. Ce qui n'est pas très rapide. Alors, ceci, c'est pour les particules d'un micron, qui sont les plus nombreuses. Alors, évidemment, vous avez des particules plus grosses, qui sont beaucoup moins nombreuses, mais qui donnent des impulsions plus fortes. Bon, donc ça, ce n'est pas très rapide, et ce serait éventuellement rattrapable par les lasers, soit de façon passive, soit de façon active. De façon active, c'est-à-dire qu'on on joue sur l'orientation, éventuellement la phase du vaisseau laser pour récupérer le miroir évadé. Alors, un autre problème qui nous attend au tournant, c'est celui d'atténuer l'étoile mère. Bon, alors ça, là, vous avez la planète, faiblarde, et là, vous avez l'étoile mère 1 milliard ou 10 milliards de fois plus intense, et qui est tout près, qui est à une seconde d'arc. Et donc, il y a un très gros problème d'abat-jour, si on peut dire, ou Et quand on roule vers le soleil couchant en voiture, il y a une visière pour empêcher d'être aveuglé par la lumière du soleil. Là, c'est un peu le même problème. Et la solution classique en astronomie, ça s'appelle un coronographe, qui est un système qu'on met au foyer du télescope et qui élimine le mieux possible la lumière de l'étoile, y compris ses anneaux de diffraction. La lumière d'étoile n'est pas seulement concentrée dans le pic central de la tâche de diffraction, il y a aussi des éclaboussures latérales que sont les anneaux de diffraction, et qu'on arrive à éliminer en grande partie grâce à un coronographe. Il existe actuellement plusieurs dizaines de concepts de coronographes différents qui sont en concurrence pour ce genre d'application. Dans le cadre de notre étoile mère, là, une autre difficulté, c'est que non seulement elle est très brillante, mais elle est très grosse. Elle est très grosse par rapport à la planète. Elle est très grosse par rapport à la résolution de l'hypertélescope. Parce que typiquement, elle va faire quelques millièmes de seconde d'arc de diamètre, alors qu'on a vu que la résolution serait de l'ordre de la microseconde. Donc la planète sera résolue en plusieurs millions de pixels. L'étoile sera résolue en plusieurs millions de pixels. Bon, et ça, les coronographes ont plus de mal à éliminer la lumière d'une grosse étoile. Alors, une possibilité serait de faire des groupements parmi tous les nombreux petits miroirs, de faire des groupements par paquets, par exemple des paquets de 10 fois 10. Donc vous auriez une série de paquets comme ceci, et derrière chaque paquet, vous mettriez un foyer pour ce paquet avec un coronographe qui éliminerait le mieux possible la lumière de l'étoile. Et puis ensuite, la lumière résiduelle viendrait en bonne partie de la planète, et ensuite vous recombinez ces faisceaux. Vous faites donc une espèce de combinaison hiérarchique, afin d'obtenir finalement l'image à haute résolution de la planète. Bon, alors ça, il faudra regarder de plus près pour voir si c'est une bonne stratégie. Bon, et puis, venons-en maintenant à un cas encore plus extrême et plus lointain dans les décennies à venir. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 100 km, peut-être jusqu'à 100 000 km pour regarder les étoiles à neutrons? Alors, une nouvelle difficulté apparaît là, c'est que vous avez un miroir ici qui renvoie de la lumière vers la caméra située par ici. Mais si ce miroir est petit, cette lumière diverge un peu par diffraction. Et arrivé ici, elle va recouvrir une tâche assez large, ce qui va nécessiter d'avoir une optique collectrice large, si on ne veut pas perdre de lumière. Bon, et avec les très grandes dimensions, si on a 100 000 km ici, on va se retrouver aussi avec 100 000 km ici, si on travaille F/1. Et à cause de cette très grande dimension, ça impose de mettre un grand miroir ici. On ne peut plus mettre des petits miroirs, il faut mettre un grand miroir, par exemple 8 mètres ou 10 mètres, si on veut ici collecter toute la lumière avec un miroir de 8 mètres ou 10 mètres. Alors pour collecter, on mettrait donc un deuxième grand miroir ici, sur lequel se formerait le foyer commun où sont renvoyés tous les faisceaux. Et ce miroir formerait une image de l'ouverture, c'est-à-dire de ceci, quelque part par ici. Là, on mettrait des petits miroirs pour collecter tous les faisceaux qui viennent de toutes les sous-ouvertures, et les renvoyer sur une optique qui densifierait, qui enverrait sur la caméra. Bon, alors le calcul d'élargissement par diffraction, F, c'est cette distance-là, multiplié par la longueur d'onde divisée par le diamètre du petit miroir, ça fait un élargissement de 50 mètres ici, si ces petits miroirs font 10 mètres de diamètre. Bon, alors, évidemment, les grands miroirs comme ça, c'est lourd, cher et encombrant. Mais on peut peut-être eux-mêmes les remplacer par une petite flottille. de petits miroirs. Bon, alors, voilà ce cas de figure. Là, vous avez une flottille de petits miroirs. Et ils renvoient chacun un rayon vers le grand miroir et la caméra, là. Et si cette flottille est périodique, si c'est une grille régulière, eh bien, la tâche de diffraction très grande ici va ressembler à ça. Ça va elle-même être une grille régulière, de sorte que si vous remplacez ce grand miroir ici par une grille de petits miroirs, par une flottille de petits miroirs, vous pouvez récupérer en principe toute la lumière. Donc il se peut qu'on puisse faire ça de cette façon-là et donc faire tout avec des petits miroirs piégés par laser sans envoyer de très grands miroirs. Bon, alors ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Et pour l'infrarouge lointain, pour observer dans l'infrarouge lointain, où vous l'observez certains de nos collègues qui ont proposé un interféromètre de 1 km refroidi à l'hélium liquide, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une flottille de petits miroirs piégés par laser et profiter des lasers pour refroidir ces petits miroirs, ce qui éviterait de mettre de l'hélium liquide qui coûte très cher et qui ne dure pas très longtemps. Bon, j'en parlerai la semaine prochaine et nous aurons un séminaire qui concerne le même problème et les manips en laboratoire qui sont faites actuellement dans ce domaine, dans le domaine du piégeage et du refroidissement de petits miroirs. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.